AXA, premier assureur des pros. C'est plus haut qu'on croit, tu vois. Bah, il a pas peur du vide, hein, le cousin. Il pose du zinc, là. Enfin, des ardoises. Faut suivre, hein. Soutenir son cousin pour Patrick, cette famille. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais. Mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Vivre nu pour vivre mieux, le naturisme mis à nu. Les adeptes de la vie au grand air peuvent lire Naturisme, le grand magazine de culture humaine du docteur André Durville. Pour l'année 1930, nous apprenons plein de choses sur la médecine naturiste, ce que pensent les parlementaires de cette méthode. Que faut-il privilégier, le cru ou le cuit? Et puis, quelle place pour le nudisme dans le naturisme? En 1937, ce magazine Naturisme, le grand magazine de culture humaine, devient Naturisme. Santé et beauté, culture humaine, loisirs, sport, tourisme, camping, l'horizon s'élargit quand le vêtement disparaît. Arnaud Bobéro, bonjour. Bonjour. Naturisme, nudisme, des mots à définir selon les périodes auxquelles ils sont utilisés. C'est pas du tout la même chose aujourd'hui que par le passé. Au XVIIIe siècle, ce mot naturisme a un sens qui est très différent du nôtre. Oui, il désigne en fait des pratiques médicales, hein. La façon d'aborder la médecine d'un certain nombre de médecins qui sont très méfiants vis-à-vis des médicaments, des thérapeutiques modernes, une sorte de scepticisme médical et donc des gens qui préfèrent laisser agir la nature plutôt que de s'acharner sur les malades. Héritier d'ailleurs d'une longue tradition dans cette réflexion sur la nature. De la longue tradition hippocratique, oui, et qui se méfie de la médecine moderne naissante. C'est quoi l'idée en fait? C'est que la nature est là pour aussi guérir le corps. En fait, c'est ce paradoxe sans nom où elle provoque la maladie mais où elle peut la supprimer. Ben oui, et puis qu'il y a une tendance naturelle du corps humain à tendre vers la maladie, qu'un certain nombre de maladies ou d'affections se soignent naturellement. Et donc, on est à un moment donné où il y a des progrès de la médecine, une attente thérapeutique, pas encore tout à fait des moyens très efficaces. Et donc, un certain nombre de gens qui se montrent, oui, sceptiques, méfiants et qui préfèrent laisser agir la nature. Laisser agir la nature, c'est une chose, mais c'est extrêmement complexe parce que la nature, elle est sauvage, on ne la maîtrise pas. Il y a comme une sorte d'abandon, on pourrait imaginer cela comme ça, mais pas du tout. C'est extrêmement réfléchi, il y a une vraie construction. C'est pas du tout le médecin qui laisse le malade en attendant que ça se passe tout seul. Non, et puis à mesure que le 19e siècle avance, il y a aussi un certain nombre de théories sur l'utilisation des éléments naturels qui se mettent en place. C'est-à-dire que au départ, c'est effectivement plutôt une logique d'observation de la façon dont la maladie évolue dans le corps du malade. Et puis petit à petit, c'est l'idée qu'on va utiliser l'eau froide, l'air, le soleil, l'exposition de l'individu aux éléments naturels et que la nature, alors cette fois-ci non plus la nature du corps, mais les éléments naturels vont soigner et participer à la guérison. Dès qu'il est question de naturisme par le passé, bien sûr, ce n'est pas du tout dans le champ des loisirs, c'est vraiment une question médicale. De quoi souffrez-vous? Oh, bah, attendez que je réfléchisse. Eh ben voilà, quand j'ai dîné, oui? Eh ben il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Oui? Ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Ben, ça me gratouille bien un peu aussi. Oui. Désignez-moi exactement l'endroit. Par ici. Par ici, oui. Et où ça, par ici? Là. Oui. Ah, peut-être bien là. Entre les deux, quoi. Entre les deux. Oui. Juste entre les deux. Oui. Juste entre les deux, évidemment, c'est Knock, ça vous chatouille, ça vous gratouille. Knock, le triomphe de la médecine, le film, avec Louis Jouvet en 1933. Bonjour Sylvain Villaret. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine et en STAPS à l'Université du Mans. Vous êtes l'auteur de l'histoire du naturisme en France depuis le siècle des Lumières. Et là aussi, c'est très intéressant parce que dans notre imaginaire, naturisme nous conduit au nudisme et nous ne pensons pas du tout Rousseau et Voltaire tout nu à la plage. Non, c'est pas du tout ça, en fait, ce naturisme du siècle des Lumières. Il y a à voir avec la philosophie des Lumières, avec cette réflexion du XVIIIe siècle. Ah ben, au départ, c'est quand même, comme ça a été dit précédemment, une approche médicale, hein, hippocratique. Hein. Donc ça se greffe vraiment sur cet univers-là, à part entière. Après, si on commence à élargir un peu les choses, à regarder ce qui se passe en Europe, puisque c'est un phénomène qui est européen, hein, c'était, naturisme est d'ailleurs un moyen très intéressant d'observer les circulations culturelles et de voir que notamment en Allemagne, une philosophie du nu qui est en train de se développer avec Winckelmann, avec Lessing et qui va après prendre corps au 19e siècle et puis avec Heinrich Pudor, Ungeviter, hein, prendre justement, enfin aboutir à un droit de la nudité et qui finira par aussi imprégner la France et revenir en France et venir teinter l'approche médicale dont on a parlé précédemment. Mais voilà, cette ouverture un petit peu générale qu'il faut peut-être aussi garder à l'esprit. Oui, cet échange culturel qui est très intéressant, ouais. Et il faut le souligner, il n'est pas question au XVIIIe siècle de nudité. On est bien d'accord, Arnaud Bobéro, les gens ne se baladent pas tout nus. À quel moment d'ailleurs les gens se retrouvent nus? Il y a l'intimité, éventuellement le médecin? En fait, il y a quelque chose qui a déjà été souligné dans les deux émissions précédentes, c'est quand les gens se retrouvent nus, qu'est-ce qu'on entend par nu? Parce que l'expression nu elle-même, ça peut très bien désigner des gens avec juste un pagne ou un short et on va les appeler nus. Je donne juste un petit exemple. Il y avait une association naturiste dans les années 1920 qui se retrouvait sur un terrain à Chevreuse où les gens étaient en short et en chemisette et les paysans du coin les appelaient les nudistes. Et donc il y a toujours, enfin, même dans cette relativité, le corps nu, c'est le corps de l'autre dévêtu par rapport à ses propres standards. Après, nous, ce qu'on appelle la nudité intégrale, c'est-à-dire le fait d'exposer en fait son sexe aux éléments naturels, c'est la fin du 19e siècle. Hein, pas oui, avant. Mais c'est pas avant, c'est ça qui est important. Mais vous avez raison de souligner la nécessité absolue de définir ces mots et ce regard, ces émissions que vous évoquez, nu comme un grec se dévêtir dans l'Antiquité ou du bon sauvage à l'indigène, regards européens sur le corps nu, à écouter, à podcaster, franceculture.fr et l'appli Radio France. C'est ça, c'est que nu ne veut rien dire en soi si on ne prend pas un référent. Sylvain Villaret, cette notion de nudité, en fait, commence très tôt si nous nous plaçons au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Montrer un peu, c'est déjà en partie être nu. Oui, c'est ça. Il faut bien comprendre qu'il y a des nudités. La nudité se définit dans un rapport à soi et aux autres. Donc ça renvoie à des normes et parfois, en effet, hein, laisser voir, entreapercevoir une partie de son corps est assimilé, hein, à la nudité majeure, en quelque sorte, et choquant. Donc ça renvoie bien évidemment à cette histoire de la pudeur. Après, c'est vrai que la médecine naturiste, au départ, il n'est pas question de se dévêtir. Être naturiste, voilà, c'est se soigner par la nature, au moyen d'enveloppement, au moyen de saigner d'ailleurs, fin 19e siècle. Hein, et ce n'est qu'après que progressivement, il va y avoir cette idée d'un contact privilégié à la nature qui passera par un corps de plus en plus dévêtu. Mais on voit bien qu'au départ, dans le cas de la France en particulier, ce sont des préoccupations médicales qui appellent ce dévêtissement progressif et qui vient justement autoriser à s'émanciper des normes de la pudeur. C'est parce que le médecin l'a dit, c'est parce que le médecin l'autorise et l'organise. Mais il y a aussi des médecins, notamment Montéhuis, qui font cas, notamment, fin 19e siècle, du fait qu'ils ont des grandes difficultés à mettre leurs patientes nues pour se faire traiter. Donc, il faut les préparer psychologiquement, il faut construire, c'est notamment à la Sylva Belle, à Nice, hein, eh bien, des enceintes sans toit, où elles pourront être seules, en quelque sorte, enfin des cabines, voilà, des cabines, tout simplement, où elles pourront se dévêtir sans le regard et du médecin et des autres. Parce que, voilà, il y a ces codes de la pudeur qui fait que libérer une partie du corps, c'est déjà être nu totalement pour certaines personnes. C'est une histoire des représentations, une histoire des mentalités qui évolue donc sur le temps long. Ça se décide pas comme ça en une année où les gens se mettent tout nus. Dans l'idée même du bain de mer, le bain de mer de la fin du XVIIIe siècle, du début du XIXe siècle, ne peut être que médical. On ne le conçoit pas autrement. Oui, et puis il y a une évolution justement des arguments thérapeutiques vers petit à petit la montée des loisirs, des plaisirs, de l'exposition aux éléments. Mais vraiment ce qui se passe, j'ai l'impression à la fin du 19e siècle, il y a la conjonction de trois choses qui donnent naissance à cette idée de la nudité. C'est ce que vient de dire Sylvain, hein, donc c'est cette exposition du corps aux éléments naturels qui fait que petit à petit quand même les codes de la pudeur s'émoussent, on va s'exposer. Au même moment, dans les milieux de l'éducation physique, mais Sylvain aussi pourra en parler mieux que moi, mais il y a cette idée du modèle de la beauté grecque qui revient en force, et donc on va exposer les corps sur des photos en particulier pour montrer les progrès que les gens ont fait dans l'exercice physique. Et donc il y a une norme de beauté corporelle au plus près du corps qui commence à monter. Et puis aussi, tout un discours anti-civilisation, anti-modernité, qui prend le contre-pied de ce qui a été évoqué hier, c'est-à-dire l'idée que l'indigène nu, c'est la sauvagerie, c'est quelque chose de négatif à civiliser. Il y a à la fin du 19e siècle un discours critique où justement on va prendre le modèle du sauvage comme point de critique de la civilisation qui entraîne la dégénérescence, etc. Et c'est la conjonction de ces trois choses qui, à mon avis, culturellement, justement, permet qu'on commence à envisager de se dévêtir et qu'on voit là à la fois une source de plaisir et de régénération. Oui, parce que c'est vraiment ce basculement qui nous intéresse, hein, comment cette médecine naturiste qui n'imaginait pas que les gens soient tout nus évolue peu à peu pour permettre à ce que nous connaissons dans notre imaginaire ou dans tout ce qu'on a pu voir au cinéma notamment, qu'il y ait des nudistes à la plage. Il n'y a plus moyen de se baigner, tout le monde est à poil. Alors, il faudrait savoir ce qu'on va faire. Et nous, moi-même, j'ai résolu le problème, je suis retourné au village. France Culture. J'ai acheté 4 kilos de peinture, de la bonne, de la peinture à l'huile, verte, pour ne pas dénoter avec la nature. Le cours de l'histoire. Et j'en ai peint 3. 2 hommes et une femme. Xavier Mauduit. Voilà, comme ça au moins c'était clair, il a tout peint. Dans cette histoire-là, il y a cette médecine naturiste. Enfin, cette médecine qui perd un petit peu de sa gloire qu'elle a pu avoir au XVIIIe siècle. On sent qu'elle est concurrencée par d'autres formes de médecine. Elle est concurrencée ou elle s'adapte à l'idée que la science va pouvoir guérir toutes les maladies? Ben, en fait, il y a une sorte de retournement à la fin du 19e. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est que les discours antimodernes, c'est une part de la modernité. Et à la fois, alors que la médecine moderne conventionnelle s'installe, triomphe, ben, il y a des médecines alternatives contestatrices, mais qui elles-mêmes aussi évoluent, sont plus les mêmes. C'est-à-dire que au 19e siècle, les médecins qui faisaient de la médecine naturelle, ils soignaient par l'exposition à l'eau froide. Et puis, petit à petit, les sensibilités évoluent à la fin du 19e et au début du 20e. On va plutôt chercher le contact avec le soleil, la chaleur, etc. Et donc, c'est-à-dire que c'est aussi une médecine qui est en évolution, ce qu'on appelle aujourd'hui la naturopathie, enfin, c'est ce genre de traitement. C'est des choses qui se font dans le discours sur le refus de la médecine moderne, mais qui en réalité sont aussi une part de la modernité, évoluent et se renouvellent. Puis j'ai de l'histoire sociale aussi, parce qu'il y a le statut du médecin là-dedans. Ça joue énormément pour expliquer comment le médecin qui maîtrise la science et le médicament veut s'imposer. D'ailleurs, on le comprend très bien, c'est aussi des jeux de pouvoir dans cette histoire-là. Ah ben oui, le médecin est à part entière entrepreneur de morale. À cette époque-là, au XIXe siècle, on a toute la structuration des facultés de médecine et des différentes spécialités, et donc il prend de plus en plus de place dans la société. Et c'est pour ça que c'est grâce à lui que peuvent apparaître, se développer certaines pratiques qui ne sont pas tolérées. Mais pour en revenir sur la question, on a en effet cette pratique médicale, naturiste, qui est profondément hippocratique, qui passe par des traitements, en effet on l'a évoqué, des saignées, et qui va être rénovée en grande partie sous l'influence des traitements naturels allemands. Et c'est eux qui vont notamment apporter ces pratiques où on se dévêtit de plus en plus, avec notamment les pionniers, que sont Kneipp, Prisnitz, Rickli, qui sont pour la plupart des guérisseurs, hein, et qui amène justement cette volonté de retourner une nature dans sa rudesse, dans sa pureté en quelque sorte, et en cela, aller la chercher avec tout son corps. Et en fait, l'intuitisme français va intégrer progressivement ces pratiques et s'ouvrir à une synthèse. Une synthèse entre finalement les traitements naturels allemands, ou germaniques au sens large, hein. Une synthèse entre la tradition hippocratique qui se développe. Pourquoi l'Allemagne ? Pourquoi l'Allemagne ? Parce que c'est un lieu où culturellement, en effet, on l'a évoqué notamment à la philosophie, et bien finalement, il y a un rapport au corps qui est peut-être beaucoup plus ouvert qu'en France, et que ce désir de nature, alors qui n'est pas spécifique, hein, d'ailleurs, on le voit bien, Arnaud l'a évoqué, hein, ça renvoie à la modernité. C'est un moment où la société européenne, finalement, eh bien, évolue, s'industrialise, où il y a ces grandes cités urbaines qui se développent, et donc il y a une réaction par rapport à ça. Une réaction d'angoisse, et qui fait qu'on se retourne vers la nature, et que ça peut s'exprimer de façon plus forte, en fonction de la culture, dans certaines nations, hein, comme les pays germaniques à cette époque-là. Arnaud Bobéro. Il y a aussi la conjonction avec une sorte de néo-romantisme qui ressurgit à la fin du 19e siècle et qui change aussi culturellement le rapport à la nature. Il y a toute une valorisation de la nature profonde, la nature préculturelle en Allemagne comme source de la culture allemande. Et ça, conjugué avec, dans l'ère culturelle protestante, un rapport au corps rationalisé, et on va se dévêtir pour se soigner, c'est moins gênant, il y a moins d'enjeux de pudeur, c'est-à-dire que l'idée de montrer son corps nu dans un but de développement physique, de soins, etc. Voilà, c'est un rapport tout à fait rationnel au corps qui est moins impliqué, enfin moins lié à des enjeux de pudeur que dans l'ère culturelle catholique. Et je pense que c'est la conjonction de ces deux-là, de ces deux points, à la fois le néo-romantisme et ce rapport particulier au corps, qui fait de l'Allemagne et des pays germaniques en général, parce qu'il y a la Suisse alémanique aussi, en fait la zone dans laquelle se développent ces idéaux naturistes, cette idée de se dévêtir et de s'exposer aux éléments naturels. Et puis pour éviter la maladie, parce qu'il y a de ça, il y a la médecine qui va soigner la personne qui est malade, et il y a cette médecine qui va anticiper pour que la personne ne soit pas malade, c'est cette médecine naturelle. Exactement, pour les bains de mer en fait, c'est d'abord l'argument préventif, on va à la mer pour se renforcer, pour se prémunir de la maladie, et petit à petit en fait, bon... Il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'argument, c'est-à-dire qu'on va mettre ça en avant parce que c'est des pratiques sociales qui sont pas très bien acceptées, donc on va justifier cette pratique sociale, et on peut se demander si derrière il n'y a pas quand même aussi une forme d'hédonisme, de recherche du plaisir, mais d'abord ça se dit pas. D'abord on s'expose, on se dévêtit à l'air ou au soleil pour se protéger des maladies, même si on peut supposer qu'il y a aussi la recherche du plaisir, du contact de la peau avec les éléments. Oui, parce que là, vous venez de placer le mot plaisir. C'est super important parce que quand on lit, je lisais là en introduction de l'émission un extrait de ce magazine Naturisme, le grand magazine de culture humaine, mais on voit bien que le plaisir n'est pas mis en avant. La réflexion première, c'est la médecine, c'est la bonne santé. C'est ça aussi, hein, c'est qu'il y a tout un couvert parce que dans la société, nous sommes ici quand même, Sylvain Villaret, vraiment en marge. Les gens ne sont pas tous naturistes, ils sont pas tous nus du tout. Ils sont encore habillés. Évidemment, et il faut évoquer en effet le poids en France de la religion catholique qui va s'élever contre ces pratiques, les dénoncer et s'attaquer justement à chaque fois à ceux qui vont proposer une libération des corps plus importante et un dénudement plus important. On peut citer bien sûr l'abbé de Bethléem et sa célèbre vue des lectures dès le début du XXe siècle, surtout en entre-deux-guerres bien évidemment, va attaquer frontalement ceux qui ont ce rapport au corps libéré, teinté de plaisir justement, plaisir coupable, un plaisir qui renvoie à la sexualité et qui finalement témoigne aussi de l'importance de normes qui sont à cette époque-là bien évidemment construites par le rapport à la religion. Et c'est contre cela que vont s'élever progressivement certains mouvements naturistes, notamment la Ligue Vivre de Crignoline de Mongeau, qui va attaquer frontalement, elle, l'Église, avec les perversions qu'elle crée justement autour du tabou du corps nu et de la sexualité. Oui, voilà, le naturisme comme élément de contestation d'une société en pleine industrialisation, mais pas seulement, il y a aussi un peu de politique dans cette histoire. Un peu de politique, mais pour revenir sur cette question-là, en fait, il y a la pression de l'Église catholique, mais c'est, en fait, globalement, on est dans une société jusqu'à la Seconde Guerre mondiale où la morale sociale globale, c'est quand même une morale où on ne peut pas être motivé par la recherche du plaisir, par l'hédonisme dans ses gestes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que justement, dans ces associations naturistes, il y a tout un discours pour dire non, mais en fait, le naturisme, c'est hyper pudique, on se met nu, mais on est très, très pudique, et regardez, au contraire, c'est nos adversaires qui sont hypocrites, qui cachent le corps, et donc ça excite les sens, etc. Et en fait, justement, on n'ose pas dire, on veut pas dire la recherche du plaisir, on veut pas dire l'hédonisme, mais quand on étudie les sources, quand même, de temps en temps, on trouve des petites mentions où les gens disent quand même c'est très agréable de se dévêtir, d'aller tout nu dans l'eau, et même d'enlever juste son maillot, l'augmentation de plaisir n'a pas de rapport avec la surface de toile enlevée, vous voyez, il y a un peu ce discours-là, mais qui a du mal à se dire parce que quand même, globalement, on est dans une société où on peut pas justifier une pratique qui, quand même, est en rupture avec les codes dominants, juste par la recherche du plaisir. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez commun de dire ça, mais en se replaçant dans le contexte de l'époque, c'est vraiment pas possible, quoi. Oui, c'est très intéressant de replacer ça dans ce contexte de mentalité où même la notion de loisir, qui est en plein développement, est en discussion. Enfin, les loisirs pour certains, pas pour tout le monde. Alors, pour rebondir là-dessus, c'est intéressant, en effet, parce que dans le monde naturiste, on voit bien qu'il y a des effets de génération. Il y a ceux qui sont arc-bouté en effet sur un naturisme par devoir, ascétique, en quête de reconnaissance, et qui a une mission de sauver l'humanité quand même. Ça, c'est surtout après la Grande Guerre, où là, vraiment, le naturisme est posé comme voilà, le seul moyen, face à une société finalement qui s'est trop éclatée à la nature, qui dégénère, pour sauver l'humanité. Et on a aussi des gens qui viennent davantage pour le plaisir, dans le cadre de ces loisirs qui sont montants, qui ont rapport au corps plus libéré. Donc, il y a des tensions dans les mouvements, il y a des frictions, il y a des séparations parfois. Et puis, il y en a qui, en effet, se rebellent contre parfois ce naturisme par devoir, où on exige un ascétisme, un entraînement physique poussé, alors qu'eux sont là pour profiter du soleil et de la plage. Après, on trouve, c'est vrai aussi chez les dirigeants, l'expression de ces deux dimensions. La nécessité, bien sûr, de se développer, de montrer l'exemple par son corps en se régénérant grâce au naturisme. Et puis aussi, le fait de reconnaître que quel plaisir est-ce de prendre un bain nu, dans l'eau notamment. Notamment, c'est Bontemps, Charles-Auguste Bontemps, qui fait partie à Ligue Vivre, qui évoque ce plaisir, en effet, de ce bain sensoriel, en quelque sorte. Ceux qui sont porteurs du mouvement naturiste, évidemment, ne sont pas déconnectés de la société. Ils regardent le monde dans lequel ils vivent. Donc, ils sont en écho sans cesse à ce qu'ils voient tous les jours autour d'eux. Il faut être un tantinet anarchiste à la fin du 19e siècle pour prôner le naturisme. Retournons à la nature. Avec l'abondance, l'homme retrouvera la joie. Car dans l'état naturel, il n'y a pas de phtisique, il n'y a pas de névrosé, il n'y a pas de prostituée. Mais il y a de l'air pur dans la forêt profonde et de la place pour chacun au grand soleil. C'est Olivier Martineau qui lisait cet extrait d'un texte d'Émile Bisson. Anarchiste, naturien, nous étions en 1897. Cette fin du 19e siècle est vraiment intéressante pour le naturisme. Alors là aussi, il y a une histoire nationale à faire avec une place essentielle de l'Allemagne et une histoire internationale parce que les transferts sont constants entre les pays. Mais malgré tout, l'histoire nationale joue dans ces transferts. Ce qui se passe en Allemagne, regardez toujours un peu bizarrement, notamment en France, après la défaite de 1870. Oui, alors là l'extrait que vous avez montré, passé, c'est Émile Bisson, c'est les anarchistes naturiens, c'est un petit groupe d'anarchistes qui se réunissent à Montmartre à la fin du 19e siècle, hein, juste après la vague des attentats, la répression du mouvement anarchiste, et comme c'est un petit peu difficile de se dire vraiment anarchiste parce qu'on risque de subir les foudres de la police et de la justice, ils vont se dire naturiens, et là encore ils vont utiliser la référence à l'état de nature, à Rousseau, etc., comme point de contestation de la société. Et dans ces milieux-là, ils commencent à développer tout un discours anti-moderne, contre la civilisation urbaine et industrielle et de retour à la nature. Et ça va avoir une certaine prégnance sur les milieux anarchistes. Alors, du côté anarchiste, pas tellement avec l'Allemagne, plutôt avec l'Angleterre, avec l'ère anglo-saxonne. C'est des gens qui lisent, par exemple, Wildman. Il lit Tolstoï aussi. Donc il y a cette idée du retour à la nature. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est dans ces milieux-là qu'un certain nombre de gens vont commencer à associer le retour à la nature à une transformation du régime alimentaire, vont devenir végétariens, puis végétaliens, et associer. Alors c'est un peu curieux, on se demande comment se construit cette association, mais associer justement différentes pratiques, donc la nudité au soleil, le végétarisme, l'exercice physique régulier, tout ça dans une espèce de discours global de régénération individuelle pour préparer la régénération sociale et l'avènement d'un monde nouveau. Oui, c'est très clair hein, dans l'explication que vous nous faites, Arnaud Bobéro, de cet idéal naturien, avec tous les éléments mis en compte aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Nous intéressons particulièrement à la nudité, le moment où l'homme et la femme se trouvent nus. Mais la nudité, sans tout ce qu'il y a autour, ne veut rien dire. Enfin, je ne sais pas, Sylvain Villaret, dans cette idée de culture physique, de transformation du corps, ou au moins de l'attention portée au corps, oui, il peut y avoir de la nudité, mais pas obligatoirement. Non, c'est vrai que les naturistes au départ, en particulier dans le champ du sport, l'éducation physique, ne se mettent pas nus. Ils se dévêtissent, se mettent en tenue légère, en maillot pour les hommes, de tunique pour les femmes notamment. Mais l'essentiel des naturistes n'est pas nu jusque jusqu'aux dernières années 50, finalement, où là, vraiment, c'est là où s'opère, finalement, l'assimilation du naturisme à la pratique de la nudité. Mais, voilà. On peut dire que pendant l'entre-deux-guerres, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement en marge avec les premiers nudistes. Mais nous sommes vraiment dans des épiphénomènes. Oui, oui, c'est des toutes petites associations, des tout petits mouvements. Enfin, bon, il y a quand même un certain nombre de centres qui s'ouvrent où des gens se retrouvent le week-end ou pendant les quelques congés et pratiquent la nudité collective. Mais c'est vrai que dans les années 20 et 30, ça reste quelque chose de très, très marginal et d'assez mal vu. Et comme le disait Sylvain, la grande partie des naturistes, par exemple, les gens qui vont dans les centres ouverts par les docteurs Durville que vous citiez en début d'émission, en fait, pour eux, le dévêtissement, c'est se mettre en maillot de bain, quoi. Alors, on a aussi des témoignages de gens qui disent que dans des petites criques isolées, certaines personnes vont se mettre tout nu et se baigner tout nu en petits groupes, mais le règlement des centres des frères Durville impose le port du maillot de bain ou du maillot de pièce pour les femmes, avec comme cet impératif de pudeur, quoi. Et puis toujours ces lectures différentes, hein, de dire pourquoi sont-ils nus? Est-ce que pour respecter une philosophie naturienne, ou est-ce simplement pour le plaisir d'être nu? Et très vite, on bascule dans une analyse sexualisée du mouvement. Alors, il y a une dimension politique aussi qu'il faut aborder. On voit que ça monte en puissance, en effet, déjà avec le mouvement anarchiste, hein, le milieu libertaire. Hein. On voit qu'on passe une pratique, finalement, d'un tourisme médical, hygiénique. Et plus on avance, plus l'aspect politique arrive. Et la nudité est rattachée à une dimension politique, une dimension vraiment réformiste de la société. Alors, elle est portée entre les deux guerres, principalement par la Ligue Vivre, qui est créée par Quesnay de Monjo, et qui va se servir de ça, justement, pour essayer de changer la société et de faire tomber certains tabous et certaines normes qu'ils jugent en effet délétères. Donc, carrément un projet d'affranchissement, notamment pour les femmes qui est derrière. Et cette nudité a ce rôle-là, a un rôle politique, véritablement, est investie dans cette mission-là. C'est pas seulement un simple loisir, et c'est pour ça qu'il sera parfois en décalage par rapport à ses adhérents, qui eux le voient comme un plaisir, et lui qui dit, mais non, c'est pour changer la société, c'est pour faire évoluer les mœurs, les normes, et c'est pour combattre l'influence de cette église, qui est justement très négative par rapport aux populations. C'est pour ça que cette histoire du naturisme est passionnante et complexe, parce que il y a une différence entre ceux qui prônent un discours et ceux qui tentent de l'appliquer ou pas. Et puis, il y a des différences entre les mouvements, parce qu'on le sent bien, ils sont pas tous d'accord. Histoire du naturisme passionnante, et ben Arnaud Bobéro, Histoire du naturisme, c'est votre ouvrage, et Sylvain Villaret, Histoire du naturisme en France, plus le siècle des Lumières, c'est votre ouvrage. Donc, deux histoires du naturisme avec un aspect politique très important. Nous avons évoqué l'Allemagne comme un pôle naturiste évident, où là aussi, avec Richard Hengewitter, il y a toute une réflexion très particulière de ce que peut être le naturisme. Hengewitter est anti-alcoolique, végétarien, ne fume pas et fait l'éloge d'une culture physique rigoureuse, des règles de vie qui serviront de précepte à beaucoup d'adeptes de la culture nudiste. Mais Hengewitter fut aussi l'un des premiers à introduire dans la culture nudiste les notions de racisme et d'antisémitisme. Dès 1907, il évoque dans ses écrits le projet de créer systématiquement une race humaine plus belle, plus pure, plus saine. Loin des grandes villes, on sélectionnera sur critères physiques les plus beaux spécimens qui, à l'issue d'unions judicieuses, engendreront une progéniture dont les qualités, du point de vue racial, seront satisfaisantes. Dans le documentaire « Nu et libre » sur Arte, quelle belle chaîne, il est question de ce mouvement complètement dévoyé de ce que nous imaginons, nous, du retour à la nature. Arnaud Bobéro, que se passe-t-il à ce moment-là en Allemagne? Oui, c'est vraiment une question compliquée. C'est très bien de l'aborder de façon un peu directe, un peu frontale, parce que il y a effectivement dans cette idée de la régénération du corps par la nudité, tout un courant qui va glorifier le corps sain, musclé, dans un discours anti-dégénérescence, et qui va aussi s'alimenter, enfin faire le lien avec des discours nationalistes. Et donc, ce qu'évoquait Sylvain aussi, dans les années 20 et 30, tout ce mouvement réformiste de gens qui sont à la fois naturistes et militants pour l'hygiène sociale, ils vont aussi mettre en avant, c'est pareil, des corps musclés, enfin voilà, tout un idéal de la vie saine. Et quand on regarde ça depuis la deuxième moitié du XXe siècle, on voit ça et on se dit, bon, en fait, c'est l'esthétique nazie et il y a eu c'est vrai, il y a eu toute une tendance où on a dit, finalement, on a parlé des origines obscures du naturisme, etc. Ce qui, bon, il n'est pas faux, hein, c'est une réalité, mais ce qui, si on dit que ça, ce n'est pas très honnête. C'est-à-dire qu'en fait, le mouvement naturiste, il est aussi très divers. Hein. Et cet idéal du corps sain, musclé, etc., il se comprend aussi dans le contexte d'une époque où vraiment les gens subissent les méfaits de l'industrialisation, où il y a la tuberculose, où il y a des corps rabougris, où, enfin voilà, où on voit dans le paysage urbain les effets physiques de la modernité. Et donc, c'est ce discours-là de régénération par le corps libéré, le corps sain, il se comprend dans ce contexte. Et à l'époque, bon, il y a son versant nationaliste, mais c'est aussi un discours qui est porté par des gens qui sont sur tout le spectre politique. Et qui est né de Mongeau, dont parlait Sylvain tout à l'heure, donc qui va mettre en avant ses idéaux de corps musclé, à la fois masculin et féminin. Hein. C'est quelqu'un qui est plutôt radical, centre-gauche. Autour de lui, il a des anarchistes, il a des gens qui sont sur un spectre qui va de la gauche vers la droite, mais qui ne sont pas du tout fascistes. Et donc, je sais que, enfin, moi, je ne suis pas naturiste, mais je sais que les naturistes actuels, ils souffrent un peu qu'on leur dise sans cesse qu'il y a cette origine fasciste, nazie, etc. Ce qui est pas du tout, enfin, ce qui correspond pas du tout à ce qui anime les gens aujourd'hui qui font du naturisme, et ce qui, même historiquement, est quand même pas tout à fait vrai, quoi. Sylvain Villarel, mais c'est ça, c'est que l'histoire du naturisme correspond à l'histoire de l'évolution des idées politiques et de la société en général, avec tous ces mouvements différents. Exactement, c'est à relier d'ailleurs, l'esprit que vous avez donné, à la montée des identités nationales, à la construction des grandes nations, et qui finalement se répercute sur les mouvements naturistes, dont certains, pas tous, ça a été évoqué en effet. Hein. Il y a un spectre très très large, qui vont d'extrême gauche à l'extrême droite, hein, très clairement, mais certains vont en effet être pris dans ce jeu-là, et proposer donc cet acte de régénération par la nature au service de la race. Il faut bien voir qu'au XIXe siècle, il y a ce fantasme d'une dégénérescence de la race que partage à peu près tout le monde. Et que face à ça, il y a différents discours. Il y a ceux, en effet, qui disent « mais voilà, il faut régénérer la race », et puis il y a ceux qui vont dire « il faut se la régénérer en se séparant des éléments impurs, justement ». Et ce discours-là, on va le retrouver notamment en Allemagne, chez Pudor, chez Longuevitter, qui ont une trajectoire, en effet, qui les amène au racisme, à l'antisémitisme, et qui fait qu'une partie des mouvements en 1930, enfin, années 30, se seront récupérés par l'Allemagne nazie, évidemment. Mais à côté, on a aussi des mouvements, en effet, d'extrême gauche, hein, qui sont pour une révolution sociale. On l'a vu le cas anarchiste, on en retrouve aussi, bien sûr, entre les deux guerres, y compris en Allemagne. Et eux seront réprimés, par contre, en Allemagne très sévèrement avec l'arrivée du nazisme. Et en quoi la Seconde Guerre mondiale est une rupture dans cette histoire du naturisme, voire du nudisme ? Je ne sais pas si la guerre elle-même est une rupture. Par contre, c'est l'immédiate après-guerre, la montée du tourisme de masse, des activités de loisirs de masse. Par exemple, en France, hein, la mise en place des comités d'entreprise, la quatrième et la cinquième semaine de congés payés, etc. Et en fait, on va voir émerger en Europe des associations, des fédérations naturistes qui vont s'intégrer à cette économie du tourisme de masse. Et c'est plutôt cette période des années 50-60, à mon avis, qui est charnière pour l'histoire du naturisme. Et là aussi, hein, ça correspond aux évolutions de la société, oui. Oui, et puis la deuxième guerre mondiale, bien évidemment, a complètement détruit cet argument de la dégénérescence de la race. Avec les camps nazis, justement, c'était un registre où il était difficile de revenir comme auparavant, et ça faciliter en effet le tournant des loisirs notamment, et puis quelque part ça fait vivre une génération de mouvements naturistes, et ça a permis finalement une circonscription du naturisme à la nudité intégrale, hein, avec la FFN qui est créée en 1950. La FFN ? Fédération française de naturisme. Voilà. Et dans cette histoire-là, à un moment, nous sommes obligés d'y aller, direction le Cap d'Agde. Pourquoi les gens restent nus, ne s'habillent pas pour faire leurs courses ? C'est la façon de vivre, hein. S'ils pouvaient le faire toute l'année, ils le feraient toute l'année. Hein. Ça vous choque un peu, vous ? Ça vous a choqué pourquoi, au début ? Pourquoi on est habillé ? Est-ce que ça vous a choqué un peu au début ? Ah, le premier temps, oui. Le premier temps, je ne savais pas si c'était moi qui était normal ou si c'était ceux qui venaient me voir. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces gens-là ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ah ben, qu'ils étaient un peu débiles, quoi. Un peu pas là. Et maintenant, vous avez pris l'habitude ? Ah ouais, maintenant, ça me fait plus rien, pichon. Ça y est habillé ou pas, j'ai fait même pas attention. Hein. Vous n'êtes pas naturiste, vous ? Ah non, pour l'état, non. Ils vous ont pas convaincu ? Ah si, mais je suis obligé par rapport à eux. Moi, je suis un pelican de naturiste, là. Quand je prends la douche en maillot, tout le monde me regarde. Là. Ah, il dit, ben, si on a poil, tout le monde a poil. Hein. Si jamais ils sont tous en col roulé, ils vont en col roulé, moi. suis pas contre rien, hein. Plus chaud. Ah, ce commerçant du Cap d'Agde en 1978 n'est pas contrariant du tout, en col roulé ou qui coûte à l'air, tout va très bien. Non mais ici nous avons, avec le naturisme de ces années 1960, une toute nouvelle version. Et là, ce qui est mis en avant, c'est le nudisme. Ça, c'est, cette fois, là, c'est le corps nu où l'on voit les seins, c'est une chose, et le sexe aussi. Oui, mais c'est un élément de la contre-culture de la fin des années 60, hein, dans le prolongement de la contre-culture hippie, voilà, etc. San Francisco, le Summer of Love, il y a cette idée aussi de libérer les corps, la nudité comme à nouveau, hein, comme point de contestation de la société, de la pudeur et des normes morales dominantes. Et donc c'est aussi quelque chose effectivement qui s'est ajouté à la pratique du naturisme, c'est-à-dire que dans les associations naturistes arrive aussi une nouvelle justification de la nudité, des nouvelles modes de pratique, parfois associés aussi à la libération sexuelle, hein, et le Cap d'Agde c'est intéressant pour ça, c'est-à-dire que c'est pas seulement être nu, mais c'est aussi il y a des espaces qu'on va après appeler libertins, mais qui au départ justement associent alors je sais pas si on peut appeler ça naturiste, parce que les militants naturistes, si on emploie ce terme, ça, je vais dire, ça leur hérisse les poils, pardon, mais donc il y a cette idée en tout cas que dans la pratique du naturisme, il peut y avoir aussi des gens qui associent ça à une remise en cause des normes de pudeur radicales et donc aussi à des formes de libération sexuelle héritées de la contre-culture des années 60. Oui, parce qu'il y a comme une accélération, nous l'avons dit tout à l'heure, cette histoire des représentations, des mentalités, c'est une histoire qui évolue sur le temps long, mais il y a comme des accélérations, il se passe ça aussi dans les années 1960, c'est que le corps nu est plus facilement accepté, il choque moins, et dès lors, le nudisme peut se développer. Exactement, oui, il bénéficie totalement en effet de la révolution culturelle qui se dessine à cette époque-là et qui banalise finalement en effet le dévêtissement et permet d'ailleurs aussi une reconnaissance. Mais il faut quand même évoquer qu'à cette époque-là, le naturisme prend vraiment ce tournant commercial, s'appuie vraiment sur le tourisme et qu'il rencontre en cela les politiques d'aménagement du territoire organisées par l'État. Hein, pour reprendre le cas du Cap d'Agde, c'est les frères Oltra qui vont ouvrir un camping au départ naturiste en 1956 et qui vont profiter de l'aménagement du littoral avec la mission littorale années 60, hein, pour greffer leur projet naturiste intégral et profiter donc de la construction de ces grands ports, de ces grandes structures. Donc le camping va être rattrapé par ces immenses structures, hein, de loisirs qui font la place aux nus et qui profitent en effet, on le voit bien, d'une population qui est beaucoup plus libérée grâce à l'évolution des mœurs et la révolution culturelle qui se dessine dans les 60s. Vous nous l'avez dit, là, depuis le début du XXe siècle, il y a ces petites organisations extrêmement fermées, en fait, où l'on peut venir s'approcher de la nature et être tout nu. Là, j'ai l'impression que dans ces années 1960, il y a aussi une ouverture beaucoup plus large, ne serait-ce que par la médiatisation du phénomène. Oui, puis comme le phénomène devient plus commun, qu'effectivement, vous l'avez évoqué, il y a un abaissement des seuils de pudeur. Par exemple, dans un certain nombre de communes, les maires prennent des arrêtés municipaux pour définir des zones dans lesquelles la nudité est autorisée sur les plages, alors que normalement, la plage est l'espace public et en France, la nudité est interdite. Mais enfin, ça reste quand même une liberté surveillée. C'est-à-dire que c'est des arrêtés de tolérance de la nudité. Et il y a toujours, en fait, cette différenciation des normes de pudeur entre les pays. On sait, par exemple, qu'en Allemagne, quand les beaux jours viennent dans les parcs, des gens se mettent nus au soleil sans que ça pose de problème. En France, la nudité dans l'espace public, elle reste prohibée. D'ailleurs, actuellement, hein, il y a des contentieux parce qu'en fait, bon, il y a plus l'attentat public à la pudeur, mais c'est l'exhibition sexuelle qui est interdite. Et il y a des gens qui sont verbalisés parce qu'ils se mettent tout nus au bord d'une rivière, hein, et donc ils sont verbalisés pour exhibition sexuelle et parce qu'on dit vous avez exposé vos organes sexuels. Et les gens disent mais non, en fait, moi, ma nudité, elle n'est pas sexuelle. Je suis en famille, je suis avec des amis, et donc c'est pas un acte sexuel. Donc là, il y a cette espèce de zone d'entre-deux du droit. Alors, on va voir comment ça se résout, hein, parce que on est là à la phase des contentieux, mais pour savoir si, justement, il reste quand même des normes de pudeur. Moi, je suis pas là pour prendre parti, hein, pour dire si c'est bien ou c'est mal, mais je regarde ça en tant qu'historien, savoir si il reste une zone de pudeur qui interdit finalement en France la nudité dans l'espace public, alors que c'est accepté dans d'autres aires culturelles, ou si, justement, ce verrou va sauter et que, finalement, on va se dire, quelqu'un qui se met tout nu au bord d'une rivière le dimanche en famille, c'est pas du tout un acte sexuel, c'est un acte juste hédoniste, banal, et donc finalement ça va être dépénalisé. Arnaud Bobéreau, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Paris-Est Créteil, et vous nous dites combien aujourd'hui c'est compliqué de savoir entre l'exhibition sexuelle, où ça commence, où ça s'arrête, où imaginez au cœur des années 60 combien cela était difficile pour un pauvre gendarme. Ah, attention. Vous cherchez quelque chose, messieurs? Les nudistes, où sont-ils? Des nudistes? Quelqu'un a vu des nudistes ici? Vous prenez vos désirs pour des réalités, gendarmes. Richaud, Fougas, ici! On les aura! Je vous jure qu'on les aura! Oui, mon adjudant. Alors, ce môme du patrimoine, le gendarme de Saint-Tropez en 1964, Galabru, De Finesse et tant d'autres. Sylvain Villaret, il y a ici aussi un moment majeur dans l'histoire du naturisme et du nudisme, c'est cette représentation sociale qui fait que si le cinéma populaire s'en empare, c'est que le phénomène entre dans la culture populaire. On n'est plus en marge, on n'est plus dans quelque chose de rejeté, dans une forme de curiosité peut-être. Mais enfin, ça fait partie de notre univers. Oh, tout à fait. Mais c'est pas un phénomène nouveau. Entre les deux guerres, on pourrait dire que le naturisme est à la mode. On va le retrouver justement dans différents médias, différents supports. Il va passer déjà à la radio, il y a des émissions. Il y a aussi bien les chansonniers qui s'emparent du naturisme et qui en font des chansons humoristiques. Donc c'est quelque chose qui est déjà courant et qui montre ça, une reconnaissance qu'un naturisme a eu entre les deux guerres et qu'on va retrouver en effet années 60 aussi à travers ces films qui finalement aussi banalisent la pratique et lui donnent un caractère assez agréable, assez positif face justement parfois au discours très critique porté par l'Église ou par notre Ligue de protection de la famille. On a cette forme de naturisme humoristique décomplexé qui apparaît dans les écrans et qui participe à cette évolution des mœurs à part entière. Arnaud Bobéreau. Et pour compléter, il y a aussi un autre versant, alors un peu plus sulfureux, mais c'est la pornographie qui s'est emparée du naturisme et qui a utilisé ça. Dès les années 20-30, il y a des albums qui sont publiés qui s'appellent « Images de naturisme » ou des choses comme ça, et en fait qui sont clairement des albums de photos érotiques qui vont peut-être essayer d'utiliser la tolérance qu'il y a à l'égard de la presse naturiste pour se diffuser plus facilement. Et puis après, dans les années 60-70, au moment où l'industrie de la pornographie se met en place, le thème du naturisme, c'est aussi un terme qui est exploité par cette industrie pour avoir un prétexte pour montrer des corps dénudés et parfois plus. Et c'est vrai que la pornographie sous forme de magazine autorisé légitime le naturisme au sens où il n'y a plus cette ambiguïté, ou alors on allait acheter dans les années 1930 un magazine officiellement naturiste, comme vous le disiez, pour voir des corps dénudés. Oui, et alors, du coup, les naturistes militants, ils vont au contraire essayer de déployer un certain nombre d'efforts pour bien marquer la différence, pour bien se distinguer de ça. C'est-à-dire que, il peut y avoir des gens qui vont utiliser la presse naturiste comme en fait une presse érotique pour ça, mais il y a aussi tous ces naturistes militants qui vont dans des centres pour se dévêtir avec la conviction qu'ils participent à quelque chose de bien à la fois individuellement et socialement, et qui vont être très peinés d'être associés à ça, cet aspect qu'ils jugent immoral et sans rapport avec leur pratique réelle. Quoi. Oui, c'est surtout ça, sans rapport avec les pratiques. Histoire du naturisme en France depuis le siècle des Lumières, c'est le titre de votre ouvrage, Sylvain Villaret. Que reste-t-il aujourd'hui de ce que nous avons évoqué en début d'émission, ce naturisme du 18e siècle, celui qui donne une grande place à la nature? Il reste des éléments encore? Tout à fait, il perdure à différents niveaux, notamment sur le plan de la médecine, avec, Arnaud l'a évoqué, la naturopathie, qui, si on lit entre les lignes, on retrouve bien les références aux pionniers, aux fondateurs des traitements naturels allemands, notamment, comme Rickli ou Preissnitz. Donc ce pan du naturisme se maintient et est reconnu en tant que médecine alternative maintenant, dans le spectre finalement dans lequel on peut se soigner. Après, bien évidemment, perdure ce naturisme social, politique aussi. Alors certes, c'est moins visible, mais peut-être que l'actualité qui nous rattrape finalement avec les risques climatiques, organise finalement une prise de conscience qui favorise un réinvestissement dans les valeurs naturistes réformistes premières. Et peut-être qu'on peut y voir le succès, le regain que connaît le naturisme depuis les années 2010, notamment à travers le nombre d'adhérents et de pratiquants, que ce soit dans les, enfin, particulièrement dans les centres naturistes de vacances. Oui, l'aspect politique, il est encore un peu présent ? Politique, mais on pourrait dire plutôt métapolitique, c'est-à-dire qu'en fait, les militants naturistes vont vous expliquer qu'il y a une différence entre les nudistes, c'est-à-dire les gens qui se mettent tout nus sans associer ça à des valeurs, juste pour le plaisir, et puis les vrais naturistes, alors là, c'est pas une catégorie objective, mais c'est la façon dont les naturistes militants se définissent, qui associent ça avec justement des valeurs sociales, écologiques, humanistes, voilà, et donc qui chargent cette pratique de la nudité d'un certain nombre de valeurs, alors qu'on peut qualifier de politique, mais politique au sens large. Avec cette petite évolution quand même, enfin, en tant qu'historien, ce que je remarque, c'est que quand on parle de la nature au début du XXe siècle, c'est un état naturel du corps, et dans les discours naturistes, il y a assez peu de discours sur l'environnement, et puis dans la deuxième moitié du XXe siècle, et à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, il y a cette prise de conscience environnementale, elle touche les milieux naturistes comme le reste de la société, et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de liens avec des enjeux écologiques et de rapport à l'environnement. Donc même ça évolue dans le temps, quoi. Il n'y a pas un naturiste intemporel. On peut dire qu'il y a un âge d'or. Le naturisme politique, c'est entre deux guerres. Où là, vraiment, ils ont une reconnaissance. On voit leur utilité sociale. D'ailleurs, ils sont reçus sous le front populaire, les naturistes, par différents représentants politiques. Et on voit aussi comment les Allemands nazis sont instrumentalisés. Et puis, c'est vraiment l'aspect écologique maintenant qui renvoie cette dimension politique. Et il y a un tournant qui a été pris années 60 avec l'écologie, entre naturisme et écologie, qu'on retrouve encore actuellement. Puisque la FFN va notamment participer ou cautionner des manifestations écologiques avec les cyclones chaque année qui se déploient, et puis donc une adhésion à France Nature Environnement aussi, la FFN qui siège au Conseil. Enfin, bon, voilà, donc il y a un investissement qui s'est construit et qui, à travers lui, fait perdurer une dimension politique, mais peut-être moins forte, bien évidemment, qu'entre les deux guerres. Et puis, au cœur de cette histoire du naturisme, il y a l'histoire de la nudité liée au naturisme, qui n'est pas tout à fait la même chose, on l'a bien dit. Donc l'apparition de l'idée d'être nu, du nudisme, ça c'est bien plus récent que l'histoire longue du naturisme. Voilà. Et cette idée que finalement être nu c'est naturel, c'est quand même quelque chose d'un peu particulier, et donc c'est... Une petite forêt, c'est ça, c'est un des aspects de cette histoire longue d'un projet global de retour à la nature qui est, d'une certaine manière, entre nos sociétés modernes depuis l'ère industrielle. Mais j'imagine combien ceux qui portent ces mouvements doivent être agacés que l'ensemble de toutes ces réflexions qu'on a pu développer aujourd'hui se réduisent simplement au nudisme, bien souvent, parce que vu de l'extérieur, c'est ça qui est mis en avant, parfois par moquerie, parfois par rejet, parfois juste par sourire sympathique. Oui, mais ça, c'est assez classique. Dans les milieux militants, on fait des distinctions, on sépare les choses, on voit les différentes écoles, les différentes chapelles. Et puis, la société globale, elle voit des gens qui se mettent tout nus au bord d'une rivière et elle dit, c'est les nudistes. Voilà. Donc, elle voit pas que à l'intérieur de ce mouvement ou de ces pratiques, il y a des motivations différentes et qu'il y a des gens qui envisagent les choses de façon assez différente les unes des autres. Alors pour autant, on voit bien des évolutions. Depuis quelques années, on a, les différents médias s'emparent beaucoup plus de cette question de façon approfondie. Et l'aspect nudisme, justement, on voit bien qu'il y a un traitement qui va chercher davantage à comprendre, à cerner les origines et justement à apprécier le naturisme à travers cela. Donc ça dépend des contextes. Il y a des contextes porteurs, peut-être aujourd'hui, en effet, avec l'importance accordée au climat, à la nature, justement, qui fait qu'on va interroger davantage et se renseigner, et que cette image, en effet, du nudiste, eh bien, elle est peut-être un peu dépassée maintenant. C'est une parole d'historien, ça. Ça dépend du contexte. Contextualisons les choses. Merci beaucoup, Sylvain Villaret. Histoire du naturisme en France depuis le siècle des Lumières, où naturisme et éducation corporelle sont vos ouvrages. Et vous, Arnaud Bobéro, l'histoire du naturisme, le mythe du retour à la nature. Mais pour nous, ce n'est pas un mythe, c'est le retour au pourquoi du comment de Gérard Noiriel. Quel rôle historique la France a-t-elle joué en Afghanistan ? En août 2021, les forces américaines et leurs alliés ont abandonné l'Afghanistan en laissant le champ libre aux talibans. Pour comprendre comment ce groupe de fanatiques a pu s'imposer dans ce pays et le rôle particulier joué par la France, il faut remonter aux luttes que les grandes puissances coloniales se sont livrées pour étendre leur zone d'influence. Apparu à la fin du XVIIIe siècle, l'émirat d'Afghanistan a été érigé dans les années 1830 en état tampon entre l'Empire russe, colonisant le Turkestan, et l'Empire britannique des Indes. Tout au long du siècle, ce sera l'un des principaux terrains de conflit entre ces deux impérialismes. Le 12 novembre 1893, le colonel et diplomate britannique Henry Mortimer Durand impose aux Afghans la fameuse ligne Durand, une frontière de 2430 km entre l'Afghanistan et l'Empire des Indes. C'est cette frontière qui sépare aujourd'hui, à quelques infimes modifications près, l'Afghanistan du Pakistan. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, pour échapper au régime soviétique qui cherchait à lui imposer son protectorat, l'émir Amanullah tente un rapprochement avec la France. N'ayant pas les moyens de peser politiquement dans cette partie du globe, le pouvoir républicain va mobiliser l'Alliance française, une organisation fondée en 1883 pour accroître le rayonnement culturel de notre pays dans le monde. Le lycée français Esteghlal, terme qui signifie « indépendance », est fondé en 1922. C'est là que des générations d'Afghans, depuis l'ancien roi Zahir Shah jusqu'au colonel Massoud, en passant par l'écrivain et prix Goncourt Atik Rahimi, apprendront la langue française. En 1947, lorsque le Pakistan est devenu indépendant, le gouvernement afghan a refusé de reconnaître la ligne Durand comme frontière séparant les deux pays. Celle-ci ayant été imposée par les Britanniques, sans tenir aucun compte de l'histoire ancestrale des Pachtounes, considérés comme les fondateurs de l'Afghanistan, ces derniers se retrouvent aujourd'hui répartis des deux côtés de la frontière afghano-pakistanaise. Les revendications des Afghans, qui réclament la réunification du Pachtounistan, font peser une menace qui obsède le pouvoir pakistanais depuis le traumatisme de la perte du Bangladesh en 1971. C'est pour intégrer les zones pachtounes de l'Afghanistan dans sa sphère d'influence que le Pakistan a favorisé l'islamisation de cette population en finançant la construction de plusieurs milliers d'écoles coraniques conservatrices. Après l'intervention soviétique de 1979, ces écoles religieuses accueilleront de nombreux réfugiés pour former des étudiants en théologie qui deviendront ces groupes armés qu'on appelle les talibans. Ceux-ci seront soutenus dans un premier temps non seulement par le Pakistan, mais aussi par les États-Unis qui cherchaient à étendre leur influence sur la région au détriment de l'URSS. Le rôle culturel que la France a joué dans ce pays depuis les années 20 nous impose d'accueillir aujourd'hui les Afghans qui demandent l'asile au peuple français pour échapper à la dictature des talibans. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Charles Adélaïde, Margot Vielle et Mayouen Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.